Côte d'Azur et Saint-Tropez. Tour de France, les Alpes et les Pyrénées. Tour de France, dernière étape Champs-Élysées. Tour de France. Pédaler en grand braqué. Tour de France Sprint final à l'arrivée. Tour de France Camarade et amitié.